souvenir, et si cela souffrir, mes yeux vers les cieux, je pleure ton adieu, j'ai tant versé de larmes au souvenir de ton âme, mais trop souvent je me mens à croire tes sentiments. Mes espoirs.